Nugget City, 312 âmes. Dieu qui fait chaud sous ma soutane. À trop bénir les cordes des pendus. Je perds le Seigneur comme un serpent nu. You know my Lord, wherever my Lord. Depuis qu'il l'a mise à la banque. Thank you.